star. Je vais te faire en plus dans le sein. Peut-être ma vie à dopé sous EP, on je recrache le bon sac. On jour peine dans nos UP, nos sacs. OP, la cour pleine, j'flingue les yang-yang dès l'entraque. Et yo salope, garde ta gueule et distribue les crates. On fume pas de cailloux, crack, zig de voyous. Consume la weed, le beat, le dry, ouvre le mic dans ce kit. Derrière l'équipe braille. Ça prend un trip, mec, à part au top, tu veux qu'on aille où? Hip hop, sauvage, criminel. On a le son lourd pour la gova, taf à l'opinel. Technique underground, gova. Si on a clique de barbare, t'as reconnu l'équipe, mec, ghetto star. Âme de guerrier, on vient honnête comme l'oiseau de feu de ses stands, mec. Et vont partir en guerre, la rage au ventre. Craqué par les mêmes démons, c'est le même combat qu'on livre. Mais de rester libre, vivre et pas de se laisser mourir. Les anges, GS, ils diront tous des grosses croix. Génétique, erronée, les anges, pompe, j'ai mis au quoi. Ils laissent mon nez, pèse l'éthique sans capote. Tu connais le type de l'petit s'appelait Capone. Martyrisé, le mec se doit d'être brisé. Apocalyptique, phrasé en mots, pas de baiser. Ghetto star sur la terre fille de la rue scolarisée. En pire, être crépus ou frisé. On bat la cerise, y'a feu l'équipe graille. Rien à foutre, des mecs qui se rabillent, des putes qui graillent. Rien à foutre, des traits qui tapinent, pompe mon style. Rien à foutre, fausse caille. Rien à foutre, ceux qui braillent. Rien à foutre, tant que la mia fait l'équipe graille. Rien à foutre, des mecs qui se rabillent, des putes qui graillent. Rien à foutre, des traits qui tapinent, pompe mon style. Rien à foutre, fausse caille. Rien à foutre, tant que la foule braille. Rien à foutre. On revient les coulisses pleines, en meute cagoulée de partout. Ici mes nègres sont à la gorge, putain d'orgie. Le son se fait niquer de partout. MC d'anthologie, lyrical partout. On voit le gros son et on te fait saigner l'analogique. Zig de barge, c'est 9-5, tu ressens la rage, logique. 2005, la foot ça battra sur vos logis. J'ai le chrome dans la peau mais une grosse envie d'assassinat. Wesh, dose tech, les uns peu pour le final. C'est pas du sirop de fraise qu'on vient te faire teaser. C'est que du bon produit qu'on vient te faire fumer. Coupé au centre gorille, j'aurai bien tout arraché. Baisse-toi, protège ta vie, ça risque de tirer. On t'en veut pas, t'as bien raison de vouloir prier. Car on vient prendre le terrain qu'il va falloir vous serrer. Laisse les vrais briller, briller. Laisse les faux briller. Kamikaze à tous les cadillers. Plus que de la zig, des phrases sur un battement. C'est quasi ment magique quand je l'écrase. Le beat, ça te ment. Ce débit s'efface salement. Ce kick, mon rap et ça agit. Dans le corps, lâchement. Donne ça, cool ou hardcore. Ça zig, hors des enceintes. Tu t'agites, c'est pas du 6-35. C'est du gros calibre, du lourd. Lyricalement, t'insistes, ton chien. Tant que la mia fait l'équipe graille. Rien à foutre. Des mecs qui se rabillent, des putes qui graillent. Rien à foutre. Des traits qui tapinent, pompe mon style. Rien à foutre. Fausse caille. Rien à foutre. Ceux qui braillent. Rien à foutre. Tant que la mia fait l'équipe graille. Rien à foutre. Des mecs qui se rabillent, des putes qui graillent. Rien à foutre. Des traits qui tapinent, pompe mon style. Rien à foutre. Fausse caille. Rien à foutre. Tant que la foule braille. J'ai aucun intérêt à dire qui je suis, encore moins sur des choses pauvres, type. Délinquant d'après les clichés, fiché au poste. Comme mes potes, la main dans le froc, sous le porche, les derniers sons de boxe. On écoute à fond dans le poste. Laisse tourner le son, du bon, c'est ce que la foule demande. Qu'on se défonce, qu'on s'affale et qu'on s'effondre, ma grande. Tout ce qu'on sait faire, j'aime payer les blocs. Lâchez vos blocs, histoire c'est 10 miches ton shit. Et quelques mecs flop. Pull up, ça DJ, pull up, mais négrosement, ça la foule figée, la rage au vent. Les gros relaxes, ça. En l'air obligé, pas de voir à caillou l'obsa. Non, pull up ça. Radical gun chanteur sur la selecta. Tout le monde est brun en l'air quand on crie ratatata. Je peux pas tester ma team pour être speed drops and dexta. 95-400 victimes, man, l'équipe c'est gangsta. Putain d'osmose, le présage m'a l'air yes ailleurs. Or après ça, ma chère Oseus ailleurs. Tu donnes pas cher de ce que je fais à raison ou à tort. J'écris tant que le beat me donne la chair d'alligator. Projet en moisir, attends qu'on t'achève. Choisis, dur d'avoir le cul entre trois chaises. Pousse les watts de la chaîne, reste à l'écoute. 2005, monsieur boss ménage la chèvre et les couilles. Tant que la mia fait l'équipe graille. Rien à foutre. Des mecs qui se rabillent, des putes qui graillent. Rien à foutre. Des traits qui tapinent, pompe mon style. Rien à foutre. Fausse caille. Rien à foutre. Ceux qui braillent. Rien à foutre. Tant que la mia fait l'équipe graille. Rien à foutre. Des mecs qui se rabillent.